48-50, Asfera, le 4 à 50 francs, 49-50, 49, 48-50, 48, 48, Z2. Blanc CO, le 5 à 50, 49-50, 49, 48-50, 48-50, Asfera. Et le 6 à 50, 49-50, 49, 48-50, 48.